Merci infiniment pour merci à vous. Votre éclairage sur ce monsieur Clouzot, ce grand monsieur du cinéma que vous connaissez si bien. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. La filière, une histoire d'amour et d'espionnage, de secrets, de cavale et de double vie. Qu'est-il advenu d'Otto Wächter ? La cavale d'un des plus grands criminels nazis, raconté comme un thriller, un podcast inédit de France Culture, mêlant histoire d'amour, d'espionnage, de secrets et de mensonges. Une enquête écrite et racontée par l'auteur et avocat Philippe Sands, avec les voix d'Irène Jacob et Lambert Wilson. La filière, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.